tout le monde s'arrête, tout le monde s'intériorise et dit mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi et... Et ça ne demande, demande pas de réponse. Hein. La personne qui a gongué va dire juste, ben voilà, je me suis senti bouleversé durant ces 5 dernières minutes, là, et j'ai besoin d'être apaisé. Mm-hmm. C'est à la fois d'être apaisé et en même temps de manifester cette émotion dans la vie du groupe. Voilà, mais, et ça suffit. Tout le monde comprend, tout le monde était là, tout le monde a vécu le truc, c'est pas la peine d'en rajouter. Mais vous ne faites pas une explication de texte ensuite pour savoir de... S'il y a besoin, là, ça peut se demander, mais on essaie d'éviter la suite. On n'a pas besoin, en fait. On découvre qu'on n'a absolument pas besoin d'expliquer le pourquoi j'ai gongué. C'est juste, j'ai été submergé, j'ai besoin d'un temps de pause, merci. Tout le monde comprend ce qui se passe. Parce que tout le monde, en fait, était submergé. Oui, c'est ça. Ouais. Merci à celui qui gonfle. Elle s'appelle Ana Pueyo. Elle ne fait pas vraiment encore partie du collectif, mais elle en est très proche, car elle a décidé de partir sur les routes, à la rencontre de personnes ou de collectifs qui expérimentent l'activité ou l'habitat participatif en milieu rural, avec l'idée de développer un autre rapport à la terre, à la culture, au savoir, à la solidarité, au monde en général. Cette expérience, elle la raconte à travers des lettres, un récit sous forme de correspondance qu'elle a accepté de partager avec nous dans le Moulinage en chantier. Dans chaque émission, nous découvrirons ainsi un nouvel épisode de sa quête. Ana Pueyo a choisi de confier la lecture de ses textes à d'autres voix. Alors dans cette première émission, c'est Léa qui parlera en son nom. Quant à moi, avant de vous quitter jusqu'au mois prochain, je voulais remercier tous les membres du collectif du Moulinage de Chirol qui ont directement ou indirectement prêté leur voix à cette première émission. Et aussi, vous signaler que ces mêmes membres sont les auteurs et interprètes de tous les extraits musicaux que vous avez entendus. Vous pouvez nous écrire à contact@lemoulinagedechirol.org. Vous pouvez aussi adhérer à l'association sur notre site internet ou nous suivre sur les réseaux sociaux collectif du Moulinage de Chirol. Chers convives, bienvenue en gare. Embarquons ensemble pour ce type de voyage dont on connaît la date et l'intention de début, mais pas la fin. Je suis Anna, j'ai la trentaine, une tête bien remplie, un cœur fou, un corps allumé. La vie, j'ai passé une partie de la mienne à la penser, à la théoriser, à observer, à côtoyer des petites, moyennes et grandes peurs. Comment devrais-je faire pour être au bon endroit, au bon moment, pour que les forces se rejoignent et rendent ma vie utile au monde? Comment être le meilleur humain possible? Comment aider mon prochain, la terre, les cons, les vers de terre, à vivre mieux ensemble? Dois-je passer ma vie à la gagner? Gagner quoi? Pour ensuite la perdre. Comment trouver une place qui fasse sens? Ouais, rien que ça. Zéro orgueil, zéro pression, aucune culpabilité. Je n'ai pourtant pas eu une éducation catholique, non. Pour moi, ce fut plutôt la version trop de ski, tue le ski. Trotskiste, on souffle. À l'heure où beaucoup de questions se posent, des réponses pas franchement folichonnes ont pointé le bout de leur nez sur l'avenir proche et lointain. J'en ai marre de théoriser, les décalages entre questions et réponses politiques apportées, entre rêve et réalité ont commencé à m'écarteler. Vivre dans la binarité et la distanciation, nature-culture, dedans-dehors, tête-corps, homme-femme, riche-pauvre, bon-mauvais, gentil-méchant, etc. ne m'a jamais convenu. C'est dû à elle ne captant pas la beauté retenue dans la complexité du monde vivant. J'ai alors commencé à écrire de la poésie. Aujourd'hui, j'aimerais la vivre en plus de l'écrire, et vous embarquer avec moi. C'est bien beau, mais embarquer dans quoi? Ici, nous allons nous raconter des histoires. Pas n'importe quelles histoires. Des histoires qui existent quelque part en France ou aux frontières. Des histoires auxquelles je vais me frotter pendant plusieurs mois auprès de groupes de personnes qui essaient de mettre en œuvre leurs utopies. De les vivre. Vous savez, utopie, ce gros mot qui nous paraît si loin du réel et si près des rêves de jeunesse, de l'irréalisable. Eh bien, aujourd'hui, mon envie est d'ouvrir cet espace pour raconter des histoires réelles d'utopies concrètes, de vous les transmettre. C'est sûr, je suis loin d'être la première à partir pour ce genre de voyage. C'est même assez à la mode. Cette recherche de sens imprègne nos générations, notre époque. Il existe des tas de documents, de bouquins, de blogs, de podcasts, tout aussi intéressants. mais j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de créer une correspondance poétique avec vous. Un truc lent. Une lettre qui prend du temps à écrire, du temps à se lire, à écouter. J'avais envie de déplacer le temps du SMS au vers, au paragraphe. De l'émoticône à la description sensible. Mon utopie à moi commence là, avec vous. À nommer des émotions, des rencontres, des expériences, des bouts de monde. La beauté du vivant dans tous ses états. Ce ne sera peut-être pas toujours tout rose, tout vert, ou tout lumineux, mais ce sera sincère. Je ne vous jouerai pas de violon, dans cet espace nous nous parlerons franchement. Je ne vous en dirai pas beaucoup plus pour aujourd'hui. Mis à part que le voyage démarre demain sur les hauteurs Cévenoles, où je pars à me blottir, entre hiver insistant et printemps patient. Bien sûr, prenez le droit de questionner, de rebondir, de répondre, de correspondre. À très bientôt sur les ondes. Je vous embrasse. Oui, embrasse. Anna Pueyo. Le collectif, là, tout le groupe. C'est des tontons et des tatas. T'as combien de tontons et de tatas ? J'en ai comme ça. Wow, comme ça ! Et c'est bien d'avoir beaucoup de tontons et beaucoup de tatas ou pas ? Oui. Oui ? Pourquoi c'est bien ? Et parce que, à Chirol, ici, et j'avais la fête avec eux. Est-ce qu'on fait beaucoup la fête à Chirol ? Oui. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait la fête à Chirol ? On chante des chansons. Et on dit, ça va commencer des spectacles qu'il faut pas faire du bruit. Dernier refrain, 1, 2, 3, hey ! Viens voir à Chirol, viens voir les rois agricoles. Viens voir, de voir le moulinage. Attention ! Viens voir et jette un coup d'œil à la plage. Il faut bien dire plage, sinon les gens vont dire jette un coup d'œil à la plage.